Allô, Lorraine, c'est Rémi. Tu es où? Nous avons rendez-vous à 9h avec Monsieur Barbier. Oui, oui, je sais. Quelle heure il est? Il est 9h05, hein. Et Monsieur Barbier est toujours à l'heure. Oui, oui, je sais. Mais moi, je suis en retard aujourd'hui. À quelle heure tu arrives? Avant 9h30? Oui, je vais arriver à 9h15. Tu peux préparer un café? Il adore notre café. Bien sûr, oui. Mais tu te dépêches, s'il te plaît. Oui, oui, je me dépêche. À tout de suite. À tout de suite.